M9A, le coût de l'archéologie, par Bruno Massé. Citation. Protester, c'est quand je dis « cela ne me plaît pas ». Résister, c'est quand je m'assure que cela ne se reproduise plus. Ulrike Meinhof. L'archéologie. La camionnette nous débarque directement devant l'archéologie, rue Clark. La pyramide vitraillée se lève contre le ciel électrique de Montréal. Un monolithe, une fourmilière. Plus haut, un hélice blindé fait sa ronde, ses phares jaunes scrutant la canopée urbaine. Mais on ne l'entend pas au-delà du vacarme du centre-ville, des boîtes de nuit, des patrouilles et des limousines. « Saloperie !» commence Ruby d'une voix rauque. « C'est encore plus laid vu de proche !»« Attends qu'on ait fini !» maugré Moll en zippant sa combinaison de technicien. « Ce tas de merde deviendra une vraie œuvre d'art !» Le coup n'est pas commencé et j'ai déjà un mal de bloc. Ce pincement derrière l'oreille comme si mon crâne allait fendre. Sans réfléchir, j'engloutis deux pilules anti-rejet et serre la mâchoire. « X !» murmure Ruby tout près. « Ça va aller ?» Elle me dévisage, les paupières badigeonnées de mauve, la peau blanche comme de l'aspirine, les lèvres, la teinte du sang séché. Quelques spasmes lui secouent l'échine. Machinalement, Ruby amène l'inhalateur de V à sa bouche et pompe une, deux doses. Ses pupilles se dilatent dans la symphonie chimique. Sa combinaison est entr'ouverte au col. Je peux voir sa chemise blanche, la bretelle d'un soutien-gorge bleu. Le sang bat dans mes tempes. J'ai le souffle court. On ne peut plus reculer. Je murmure. Faut pas tarder. Moll hoche la tête, cheveux hirsutes, barbe frisée, des yeux bleus comme un marmot. Il empoigne les deux valises chromées, chantonne. « Que la fête commence !» J'avale péniblement. Ruby me prend par le bras. « L'archéologie est à nous. Ça va péter. » M9A. Ruby a été malade toute sa vie. Née dans un incubateur, elle a grandi avec les pharmaciens, entre les salles d'attente, les jaquettes et les cathéters. Désordre auto-immunitaire, hypersensibilité environnementale. Elle a joint M9A pour se venger de la civilisation industrielle. La vie lui brûle les nerfs, mais la drogue lui donne de la force. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Moll, quant à lui, est simplement cuit. Il a été pincé avec des plans pour une prise d'otage, quelque chose pour faire libérer les camarades d'une autre cellule du M9A. Les prisons pleines, la couronne l'a relâché en attendant le procès. Une farce. Moll fera 15 ans ferme s'il est chanceux. Il m'a dit que s'il devait y rester, il préférait partir avec un bagne. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il voulait dire par là. Reste-moi. J'ai démarré cette cellule sans y croire. Je ne crois en rien, même pas en M9A. Le monde meilleur ne m'intéresse pas. C'est trop abstrait. Détruire celui-là, par contre. Et quoi? J'en ai bavé toute ma vie dans la crasse et la bile et les fonds de ruelle, pendant qu'une poignée de psychopathes tiraient les ficelles du haut de leur tour d'ivoire. Ces fascistes doivent payer. Je ne crois pas, mais il faut. Ça s'arrête là. Il y Il y a des milliards comme nous qui croulent, écrasés à mi-chemin entre ce monde faux et tout ce qu'il faut. Moi, molle, rubis, on n'est rien de spécial. Puis, il y a Harvey. Le chef ingénieur. On emboîte le pas, tête basse, les corridors filent à toute allure. Les caméras biométriques nous analysent. Entre deux pulsations de mon crâne torturé, j'entrevois des peintures genre nouveau, des plantes tropicales, des gens qui sirotent des cocktails turquoises. Ce qu'elles sont belles, ces belles personnes. Ces hommes, ces femmes. Parfaits, musclés, souples, bouillonnants, de santé. Heureux, bien à leur place. Ils méritent le mieux. Ils reçoivent le mieux. Tout va bien. L'arcologie est la fine fleur de l'hypercapitalisme et du développement durable. Un bâtiment clos, un cycle de vie fermé. Miracle de technologie environnementale. Tout est recyclé. Rien ne se perd, rien ne se crée. Ou presque. Sans son réacteur à l'hélium-3, la pyramide ne pourrait pas abriter ses quelques mille gros bonnets indéfiniment. Une ressource convoitée. L'hélium-3. Les gens se tuent pour l'extraire, puis s'entretuent pour la vendre. Et trois freaks, trois coquerelles du district sud-ouest n'auraient pas fait trois pas dans le lobby sans être criblées de balles. Qu'importe le déguisement, les faux papiers. Mais l'appel de service est venu de l'intérieur. De Harvey. Vous avez pris votre temps? Nous lance le vieillard dans l'embrasure du corridor. Son veston grisâtre porte l'étiquette « chef ingénieur ». Mine patibulaire, gueule carrée, mais quelque chose comme un sourire en coin. Tout cela l'amuse. Harvey était un écolo, un visionnaire. Il pensait au futur avant même le pic pétrolier quand il neigeait encore sur Montréal. Il a conçu les premiers plans pour l'arcologie, pensait avoir trouvé « là ». Solution. Fini la destruction des habitats. Début d'une nouvelle ère. Et puis, son projet est devenu le nid douillet des riches. Pas question de construire 8000 arcologies. Pas raisonnable, il disait. Bref, 40 ans plus tard, sa vision en lambeaux, une tumeur inopérable au cerveau, et paf! Harvey devient révolutionnaire. Le coup de ce soir, c'était son idée, son dernier plan de génie. Perdre espoir lui a donné le sens de l'humour. « T'inquiète !» lui fait Molle. Harvey nous tend trois oreillettes et moi, la clé de silicone. « Les codes d'aujourd'hui, » dit-il. « Je m'en vais dans la salle des machines. Faudra se coordonner. » Ruby me fusille du regard. Ce n'était pas le plan. On ne change pas le plan. Tu montes pas avec nous? Je lui dis. Impossible, lance Harvey. Nouveau protocole. C'est pas grave, d'en bas j'aurai un accès physique. Tu comprends ce que ça veut dire? Je hausse les épaules. J'ai mal à la tête. L'important, ajoute Harvey, c'est qu'on sabote le réacteur, filé directement au terminal principal. Instinctivement, je tâte les points de suture derrière mon oreille. La plaie est enflée, ça brûle. Une coulisse de pus descend jusque dans mon cou. Je frissonne. Discrètement, Ruby prend une nouvelle dose de V, se mord la lèvre. « Harvey !» j'appelle dans mon oreillette. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je grince des dents. La sirène se réverbère dans mes tempes. Ma tête va éclater. Oh oh! J'entends à peine le vieillard dans l'écouteur. Eh merde! Moll dépose les valises chromées, s'accroupit, se met à la besogne dans une routine qu'il a pratiquée mille fois déjà. De son côté, Ruby se lance sur le bouton de l'ascenseur, réflexe aiguisé par la drogue. Rien. L'ascenseur a été désactivé. « Harvey !» je m'écris. « Ça y est !» répond-il finalement. « Je suis dans la console. Il y a des LED rouges sur la moitié du secteur. Je vous envoie l'ascenseur. Tenez bon, un détachement converge sur votre position. » Moll n'hésite pas. En deux temps, trois mouvements, il s'est débarrassé de sa combinaison de tech. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent finalement, je n'arrive pas à bouger. Il y a des pas qui s'approchent, des douzaines de bottes dans le corridor capitonné. J'ai envie de rire et de pleurer. Il est trop tard. On ne sortira pas d'ici vivant. Les nerfs à vif, Ruby prend la deuxième valise, me tire par le bras jusque dans l'ascenseur. Les portes de l'ascenseur se referment au moment où les policiers font irruption à l'autre bout du corridor, leurs armures noires étincelantes, le poids écrasant de leurs talons, les faisceaux verts de leurs viseurs laser. Tandis que l'ascenseur se met en marche, on entend Laka cracher son feu. Encore et encore, entrecoupé par le rire de Moll. Moll pour Molos, Moll pour Molotov. On monte. Ça va, les enfants? Souffle Harvey dans l'oreillette. Il a une voix d'outre-tombe, comme s'il était en train de crever. L'ascenseur file à toute allure. Étage 27. T'en fais pas pour nous! Gémit Ruby en retirant sa combinaison. Et toi? Les manches de sa chemise sont retroussées. Je vois la pâleur de ses bras, ses tatouages noirs en forme de flocons de neige. Une machette pend à sa ceinture dans un étui vinyle. Les radiations, répond le vieux. Les flics ont envahi la salle des machines. J'ai dû me réfugier dans l'antichambre avec le réacteur. T'as toujours accès? Je lui demande. Étage 32. Nickel, crache Harvey. Entrez les codes et le réacteur est foutu. Mais dégrouillé, je sais pas combien de temps je vais tenir. Ce n'était pas ça le plan. Mais Ruby ne réagit pas cette fois-ci. On a dépassé ce point-là. Elle inhale une autre dose de V. Le penthouse. Les hydrauliques décélèrent, les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur un lobby calfeutré, déco subtil, symétrique. Deux grandes portes en bois massif, et derrière, le penthouse, le terminal. On y est presque. Ruby me prend dans ses bras, m'embrasse. Ses lèvres sont sèches. J'essaie de retenir mes larmes. Des barbelés m'érafle la cervelle. Du coin de l'œil, j'aperçois les poignées qui tournent, les deux portes s'entrouvent vers l'intérieur. Les salauds. L'espace d'un battement de cœur, je pointe le Makarov vers l'embrasure, presse la gâchette. Une gerbe de feu illumine le lobby. La force me tord les os du poignet. Une rafale de tueuses de flics envoie une pluie d'éclisses de bois et de vapeurs de sang. J'avance. Le Makarov rugit. La seconde rafale percute les portes grandes ouvertes, transperce le bois, s'enfonce dans les armures qui reculent, secouées de gouttelettes écarlates. Ruby et moi faisons irruption dans le penthouse, enjambons les deux flics qui gigotent à terre dans une mare. C'est une grande pièce carrée, aux murs fenêtrés, transparents, incliné, le sommet de l'arcologie. Plus bas, la nuée de lumière jaunâtre du centre-ville, les gratte-ciels, les veines flamboyantes de la métropole. La vue m'éblouit un instant de trop. Je remarque à peine cette autre silhouette, ce businessman caché derrière son bureau. Le CEO. Frénétiquement, je pointe le Makarov, presse la gâchette. Clic. Rien. Le pistolet s'est enrayé. Ça arrive parfois quand on lime le châssis. Un bruit sourd retentit à nos pieds. Ruby saute, je m'élance. L'explosion de la grenade nous balaie. Vol plané, je m'écrase quelque part, souffle coupé. Le mouvement du 9 août, commence une voix mélodieuse, charismatique. Tout ça pour un pauvre con qui jouait au dé. Le CEO trône par-dessus moi, souliers vernis, cravate. Un 38 reluit dans sa main. Il a tout pour lui. La mâchoire, la loi et les augmentations génétiques. Difficile à décrire l'air de satisfaction quand il brandit son jouet, fait feu, m'atteint dans le ventre. Je n'ai plus le contrôle de mon corps. C'est quelqu'un d'autre qui tressaillit, râle, impuissant. La douleur prend toute la place. « Petite merde !» continue le CEO. « Tu penses vraiment que quelque chose va changer ?» Un cri retentit tout à coup. Je me demande si c'est le mien. J'aperçois la lame de la machette, l'expression démente de Ruby lorsqu'elle charge. Visage criblé de shrapnel, sa blouse reluisante de sang. Elle frappe avec toute la puissance de la vie, toute une vie de souffrance au bout des doigts. Le CEO tente de reculer, trébuche sous la morsure du métal, crie à l'aide. L'aide ne vient pas. Des éclairs dansent devant mes yeux. Quelque part à travers la souffrance qui me déchire le ventre, l'inquiétude que l'implant a peut-être été bousillé lors de ma chute. Les yeux sanglants de Ruby, son visage près du mien. Le plastique froid sur mes lèvres, le souffle de l'inhalateur, ma gorge nappée d'un goût de cuivre. Une première dose, une deuxième, une troisième. C'est trop. « Debout !» murmure Ruby, défaillante. « Allez !» résonne une voix éraillée dans l'oreillette. Le monde bascule lorsque la symphonie chimique de la vie s'empare de mes veines. Une main à terre, un coude, un genou. Ruby m'aide à me relever. Elle boite, la moitié du corps criblé d'éclats d'acier. On se traîne jusqu'au terminal. Il y a tellement de sang. Derrière la baie vitrée, Montréal s'étend à perte de vue, avec son béton, ses fluorescents. Dire qu'avant, il y avait des pins blancs, hauts comme ces gratte-ciels, des rivières à la place des boulevards. Et de la neige. Ruby arrache un panneau, tire un câble. Machinalement, je prends l'embout, l'amène jusque derrière mon oreille, trouve le port de silicone entre deux points de suture, suintant de pus. Clic. Instantanément, des fractales de données tourbillonnent, m'aspirent dans le maelstrom de codes luminescents. Hicks! Grogne Ruby, le souffle erratique. Les commandes de l'arcologie s'inscrivent dans mes synapses. L'interface humain-machine. Je sais, je vois. Je peux. Là, une nouvelle pièce de données, l'évidence même, la beauté du chaos total. Go! Insiste Harvey, agonisant. Tout est prêt. Harvey. Je balbutie, le cerveau électrifié. Qu'est-ce qui arrive si on inverse le flux du réacteur à l'hélium 3? Le chef ingénieur me répond en riant. Un immense mégatron. L'arcologie saute. 1000 salopards. Et nous avec. L'explosion envoie une pulsation électromagnétique qui va griller toute la technologie dans un rayon de, je sais pas, 100 kilomètres. Subitement, des phares jaunes sont rivés sur nous, aveuglant. L'hélice blindée, ses canons prêts à nous déchiqueter. Et maintenant, toute une existence dans l'espace d'une seconde. Ce n'était pas ça, le plan. Je vois Montréal, la mégalopole, la civilisation industrielle, 10 000 ans d'esclavage, tout ce monde faux, et tout ce qu'il faut. Ruby m'enlace, m'embrasse. Ses lèvres goûtent le sang. « Vas-y, » murmure-t-elle. « Ramène la nuit. » Et je laisse aller. Je laisse tout aller. Les synapses filent. La séquence est initiée. D'un seul trait, j'arrache le câble de mon crâne. Il fait si froid. Je presse Ruby contre moi. Ferme les paupières. Réalise qu'elles sont pleines de larmes. Quelque part, Harvey éclate de rire. Le plancher gronde, toute l'arcologie tremble. Les flammes jaillissent plus bas, dans la rue. Et là-haut, les fenêtres volent en éclats. Puis, avant que tout s'écroule, les veines de la mégapole s'éteignent, une à une. Les gratte-ciels plongés dans le noir, les lits qui crashent dans une mare de feu. Là-bas, un paysage nocturne s'étend jusqu'à l'horizon. Dans les ténèbres, le sourire sanglant de Ruby. Les ténèbres, enfin. M9A, le coup de l'arcologie, de Bruno Massé. Lu par Caroline Doyon. Musique de Mathieu Bélanger-Landry. Technique et production, Catherine Lemieux-Lefebvre. L'équipe de production aimerait remercier toutes les personnes qui ont appuyé le projet.